Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient leur vie pour dire beau. Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit, laisse une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent. Julie Collin, en direct de première loge, j'étais tellement habituée de ta première loge, en direct de Bouquins et Confidences, la nouvelle mission littéraire pour l'été. Je suis avec vous jusqu'à 18h30 et le concept de l'émission, c'est qu'entre autres, on va parler de livres et on va parler évidemment aussi de confidences. Donc, on va aller beaucoup dans les coulisses du monde du livre. Et ça commence quand même en grand aujourd'hui. Je suis accompagnée de Josée Marcotte. Bonjour, Josée. Bonjour, Julie. Donc, Josée est auteur, poète et réviseur linguistique. Oui, tout à fait. Entre autres. Donc, on va discuter avec toi aujourd'hui des coulisses. Comment que tu t'es pris pour faire tes livres, c'est une chose. Puis aussi, la révision linguistique, c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement non plus. Des fois, on se dit, est-ce que c'est juste de corriger le français ou est-ce que c'est juste des fautes ou peu importe. On va tout explorer ça tantôt pendant une heure de temps. C'est que ça va vraiment être le fun. Je suis contente Super. Que tu sois là. Donc, tes livres, t'en as un, en fait, qui s'appelle Hikikomori, que t'as, dans le fond, que t'as écrit en quelle année? En 2014. En 2014. Ça parle du Japon. Ça parle, en fait, d'une personne qui est décédée en jouant aux jeux vidéo. Oui. C'est ça, on l'apprend dès le début, là, c'est quand même pas un gros punch, à mon avis. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Oui, en effet, ouais, c'est il y en a au Japon, au Japon et même dans le monde asiatique, ou peut-être davantage dans le monde, ça commence à gagner le monde occidental, mais il y a des morts subites par jeu vidéo. Puis moi, ça me tentait d'explorer ce sujet-là dans Hikikomori. OK, puis comment t'as trouvé cette idée-là, en fait? T'as lu là-dessus? La première fois que j'ai entendu parler d'Hikikomori, parce qu'en fait, Hikikomori, c'est pas la mort subite par jeu vidéo, la surexposition aux jeux vidéo. Hikikomori, ça désigne plutôt les reclus, les gens isolés, ceux qui vont s'enfermer dans leur chambre de jeune adulte ou d'adulte pendant plus de 6 mois, jusqu'à des années, une douzaine d'années même, et qui ne sortiront plus de leur chambre pour jouer à des jeux vidéo, regarder des animes, lire des mangas. Donc, c'est un phénomène au départ qui était typiquement nippon, typiquement okay. japonais, mais il y a de plus en plus de regroupements maintenant à travers le monde pour essayer de les aider. Il y a une communauté Hikikomori en France, il y en a de plus en plus dans le monde occidental, donc c'est un phénomène là, qui gagne je dirais pas en popularité parce que c'est pas quelque chose qu'on trouverait souhaitable en société, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans le monde contemporain. OK. Parce que moi, j'avais pas vraiment entendu parler de ça dans ma vie, à part quand j'ai lu ce livre-là. Puis c'est ça, je me disais, tu sais, l'idée, est-ce que tu es allé au Japon pour l'avoir? Ou est-ce que tu as eu une recherche que tu as faite de cette façon-là? Ou tu as vraiment fait toute ta recherche à partir d'ici? Côté recherche, moi, c'est au milieu des années 2000... que j'ai vu un reportage à un moment donné. J'étais chez mes parents pour une soirée, puis j'étais tombée sur un reportage à la BBC qui parlait justement des Hikikomori. Puis moi, je m'intéressais déjà à la culture japonaise en général, là, tout ce qui est anime, manga, jeux vidéo. Puis là, j'ai tout de suite été happée par cette réalité-là, que je trouvais que c'était fascinant comme extrême de s'enfermer dans une chambre pour vraiment... faire ce qu'on aime, parce qu'au départ, c'est pas vu comme un problème, c'est vu comme, bon ben, j'aime la fiction, j'aime les animes, j'aime les mangas, j'aime les jeux vidéo, donc je vais m'évader dans l'imaginaire, puis je vais seulement faire ça pendant des mois et des semaines et des années même, mais au départ, ça part d'une idée de, bon ben, je vais me faire plaisir, puis on verra pour la suite, mais c'est devenu un problème de société, là, un problème psychopathologique là, qui était vraiment un problème au Japon. Ils sont plus d'un million d'Hikikomori au Japon, mais qui sont recensés, en fait. Puis peut-être qu'il y en a davantage qui passent sous le radar. bizarre qu'on n'est pas vraiment au courant. Par exemple, une jeune femme, ça peut être bien vu encore au Japon aujourd'hui, une jeune femme de rester chez ses parents et peut-être qu'elle ne sera pas recensée comme ikikomori alors que peut-être qu'elle ne quitte pas sa chambre. Donc, je pense que la proportion féminine des ikikomori est peut-être pas bien représentée dans les sondages japonais. OK. Puis dans ton livre, tu as différents personnages. Mais c'est le fun que tu dises ça, que c'est des gens qui sont reclus, parce que moi, je l'avais vraiment vu comme par rapport aux jeux vidéo, mais en fait, ça me fait réaliser que dans ton livre, il y a d'autres personnages, en fait, qui vivent ça. Il n'y a pas juste le frère, finalement, qui est décédé de jeux vidéo. Il y a vraiment d'autres personnages, finalement, qui sont isolés aussi. Les gens avec qui, lui, communiquait. Oui, c'est d'explorer différentes solitudes dans le roman. Par exemple, le personnage principal de Marie. Mm-hmm. Marie, elle, est isolée, mais plutôt dans sa tête, parce qu'elle aussi, elle aime énormément la fiction, les imaginaires de toutes sortes. Son métier, c'est d'être libraire. Donc, il y a déjà une passion qui est présente, mais qui peut parfois tomber dans l'excès chez certaines personnes, où on peut exploiter une certaine forme de solitude là, dans le roman, par exemple chez Marie, mais aussi chez d'autres personnages. Par exemple, là, on a Kengo, on a Mei, on a Naiko comme personnages principaux aussi. Puis je pense que chez Naiko aussi, il y a une forme de solitude dans le fait de jouer à des jeux vidéo au travail tout en étant réceptionniste dans un love hotel. Mm-hmm. Donc, c'est tous des personnages qui partagent une forme de solitude. Oui, tout à fait. Puis il y a Marie aussi, on l'apprend dès le début, qui a perdu ses parents. Elle a perdu son frère, mais elle a perdu aussi ses parents. Donc, il y a une forme de solitude là aussi, finalement, où est-ce que tu perds tes repères, ta famille. Donc, elle se met aussi en... Dans le fond, c'est sa quête à elle. Elle s'en va au Japon. Elle veut rencontrer les gens qui ont connu son frère de façon virtuelle. C'est vraiment tout ça qu'on suit, finalement. Tout à fait, parce que le synopsis du roman, c'est Marie a perdu son frère d'une trop longue exposition aux jeux vidéo. Parce que si on joue aux jeux vidéo pendant plus d'une trentaine d'heures, sans manger, sans boire, sans dormir, le corps, c'est une fabuleuse machine. Sauf que si on la maltraite, on peut en subir les conséquences. Et là, c'est son cœur qui lâche. Et puis là, elle va là-bas au Japon pour rencontrer les derniers gamers avec qui son frère a échangé la nuit de sa mort. Donc là, c'est vraiment au départ une quête de faire sens par rapport au deuil qu'elle a à faire à son frère, qui est son frère jumeau, en fait. Oui, c'est ça. Ça rajoute une petite couche en plus, le fait qu'il soit jumeau, parce que on le sait, la proximité entre des jumeaux, c'est quand même une relation qui est particulière aussi. Là. C'est que, ouais, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce livre-là. Merci. Sinon, tu as écrit aussi Les Amazones. Lui, je ne l'ai pas encore lu. Oui, les Amazones, c'est un projet que j'ai démarré dans un cours de création à l'Université Laval. J'ai commencé ça à écrire des différentes Amazones en 2010-2011. Puis ensuite, j'ai décidé d'en faire un projet d'écriture parce qu'au départ, c'était davantage un recueil de nouvelles qu'un roman. Et puis, j'ai monté le projet, puis je l'ai soumis à Première Ovation en 2012. Et puis, j'ai été jumelée avec mon mentor, qui était à l'époque Gilles Pellerin, qui est devenu par la suite aussi mon éditeur. Donc, Les Amazones est sorti en 2012. Puis, les Amazones, c'est un monde de femmes post-apocalyptiques qui sont confrontées à une sorte de fin du monde. Et c'est de mettre en scène, de reprendre le mythe antique des femmes guerrières pour voir, dans un monde futuriste, si les femmes étaient en guerre contre les hommes, qu'est-ce que ça donnerait? Puis pourquoi au départ seraient-elles en guerre contre les hommes? Donc, c'est vraiment un imaginaire que je voulais mettre en place à ce niveau-là. Puis j'aime beaucoup les imaginaires de fin du monde. On le retrouve aussi dans Ikikomori, aussi comme cette hantise de fin du monde annoncée en 2012. Oui, c'est vrai. Donc, mais la fin du monde, c'est quelque chose qui c'est très présent dans notre imaginaire contemporain, je trouve. C'est pas typique à mon écriture, mais c'est quelque chose qui me fascine également. L'imaginaire de fin du monde, j'adore les ouvrages qui en traitent aussi. OK. Puis au niveau des Amazones, quel genre de recherche que tu as fait par rapport à ça? Les Amazones, je dirais que ça a été davantage des lectures qui m'ont influencée. À l'époque, j'avais été mis en contact avec Michaud, que j'ai beaucoup aimé ses Mei Dozem, j'ai beaucoup aimé ses ouvrages, là, j'ai beaucoup aimé sa poésie. Puis, j'ai aussi lu des ouvrages sur les mythes antiques. Donc, c'était beaucoup une contingence de toutes sortes de lectures du moment qui m'ont... Un matin, je me suis levée, puis là, je disais, oh, mon Dieu, tu sais, le mythe des Amazones, ça m'a comme frappée à un moment donné, à mon imaginaire. Puis là, j'ai décidé d'en faire un recueil, puis de mettre tout ça en fiction, puis de prendre chacune... Donner droit de parole à chacune des Amazones, parce que dans les Amazones, t'as 47 femmes fortes, femmes guerrières. Puis c'était de dévoiler peu à peu l'univers qui est mis en place, puis d'essayer de faire une construction cohérente à partir de toutes ces femmes guerrières-là, puis de leur vision du monde à travers cette grosse vision du monde-là, qui est celle de la fin du monde, en fait. Puis au niveau de la recherche, ça prend combien de temps à peu près faire de la recherche pour un roman comme ça? C'est un roman de à peu près 200 pages, pas tellement loin de 200. Ah, même pas, hein? Celle-là, il a fait à peu près 100. Excuse-moi. Oui, pour les Amazones, c'est un roman de 100 pages. Ikikomori, c'est un roman de 200 pages. Oui, pas loin de 200, à peu près 175. Oui, 175 pages. Ikikomori, on a retranché, je dirais, davantage... On a environ enlevé 60 pages à Ikikomori. Donc, il y a eu un travail là, vraiment d'épuration de la narration qui a été fait là, dans Ikikomori pour que tout coule de source plus rapidement, qu'on arrive davantage à l'essentiel plus rapidement, qu'il y ait une forme de cohérence puis de rythme installée, parce que c'est des courts chapitres, ce que j'avais déjà exploité dans les Amazones. Mais là, dans Ikikomori, je voulais explorer la forme plus longue, mais finalement, on a fait un travail avec l'éditeur de resserrer la narration. Donc, ça a été un bel exercice là, de resserrer tout ça. Mais oui, c'est, puis pour ce qui est de la recherche, dans les Amazones, je dirais que par rapport à la recherche, c'est environ le tiers du temps du projet total qui va être consacré à la recherche sur les mythes antiques, sur les notions de chimère, toutes sortes d'éléments intéressants que j'ai pu ajouter dans l'ouvrage. Puis Ikikomori aussi, c'est le tiers, sinon la moitié du temps du projet qui a été consacré à la recherche, parce que j'adore faire de la recherche pour les projets pour lesquels je travaille, sur lesquels je travaille. Donc, c'est une grande part, mais c'est une partie extrêmement intéressante du projet. Là, tu dis le tiers ou la moitié, mais en termes, mettons, d'heures ou de mois, tu sais, juste pour donner une idée, des fois, on n'imagine pas combien de temps ça peut prendre un livre. Tu sais, comme lecteur, on consomme un livre, ça prend quelques heures, c'est fini. Tu sais, ça peut nous rester marqué, puis ça, c'est une autre histoire, mais n'empêche que l'action de lire comme telle, ça ne dure pas si longtemps que ça. Le travail d'un écrivain derrière son livre, c'est pas mal plus long que ça. Oui, tout à fait. Par exemple, les Amazones, ça a été une dizaine de mois, alors que Ikikomori, ça l'a pris une année pour le réaliser. Mais je travaillais à temps plein à l'époque aussi, donc c'était les soirs et la fin de semaine. Je me consacrais toujours à l'écriture une heure le soir en revenant du travail à temps plein. Et puis, tous les soirs de semaine, puis la fin de semaine, tout le temps une heure ou deux heures. Je suis plus une sprinteur quand vient le temps d'écrire. J'ai de la difficulté à donner le meilleur de moi-même pendant, par exemple, 5 ou 6 heures de temps. J'écris pendant une heure ou deux heures, puis je sais que pendant cette heure-là ou les 2 heures que j'ai fait là, j'ai peut-être fait une page ou 2 pages. Je vais y retourner le lendemain pour revérifier des choses, mais je sais que j'ai vraiment donné l'essentiel, l'essentiel de mon imaginaire de cette journée-là. Là. C'est parfait. Puis j'imagine aussi que le reste de la journée, même si tu ne travailles pas activement là-dessus, ça te suit quand même dans ton inconscient. Forcément, tu sais qu'est-ce que tu as écrit un peu la veille, c'est que peut-être que tu y penses aussi, mettons, comme moi, je sais, je réfléchis beaucoup dans ma douche. Là. C'est comme un endroit où est-ce que ça donne que j'ai tant des bonnes idées, là, au point où est-ce que j'ai quasiment envie de prendre des notes. Là. Oui, mais j'imagine que ça qu'il y a des moments comme ça où tu dis « Hey oui, je viens de débloquer sur telle affaire, je viens d'avoir telle idée. » Oui. Que même si tu ne travailles pas activement devant ton ordinateur, tu écris à l'ordinateur, toi? Oui, j'écris directement à l'ordinateur. C'est ça. Quand je rédige. Mais c'est drôle que tu parles de la douche parce que ça vient de me rappeler une anecdote que, en fait, François Pérusse, que j'admire beaucoup pour ses ses capsules puis tous ses imaginaires humoristiques. Lui, il pouvait prendre des bains de 2 heures de temps puis écrire dans le bain, avoir des notes puis enregistrer ses capsules dans le bain, là. Donc, mais c'est ça, je pense que des fois, dans la douche, il y a quelque chose qui se passe de magique. Je comprends pas. Un effet primordial de l'eau, mais je pense qu'on relaxe, en fait. Je pense qu'on est juste... on baisse la garde un peu, tu sais, c'est peut-être juste ça, dans le sens qu'on relaxe, on n'est pas préoccupé, c'est assez machinal de se laver, là. Fait que j'imagine qu'on n'a pas besoin de réfléchir, donc le cerveau se place autrement, j'imagine que quelque chose comme ça. Il y a un laisser-aller immense dans la douche, donc mais c'est un lieu d'imaginaire, la douche, ça peut être surprenant, là, mais moi aussi j'ai plein d'idées, mais de là à prendre des notes, bon, logistiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, mais j'ai déjà pensé, il y a des crayons pour les enfants, où est-ce qu'ils peuvent écrire dans le bain, là. J'ai déjà pensé, finalement, j'ai abandonné l'idée, je me suis dit, calme-toi, là. Mais n'empêche que c'est ça, ça fait partie un peu des choses. Toi, tu disais que tu écrivais à peu près 1 heure ou 2, c'était quand même assez condensé. Est-ce que tu as un rituel quand tu écris? Est-ce que tu t'assois avec un thé, avec un café, avec un verre de vin? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, finalement, pour te mettre en contexte pour écrire? Non. Étrangement, non, j'ai pas de rituel pour ça. C'est tout simplement, je m'assois, puis j'ouvre le fichier de la veille, je relis des fois qu'est-ce que j'ai fait la veille, je modifie certaines choses peut-être pendant 15-20 minutes, la page qui a été faite la veille. Puis ensuite, j'embarque tout de suite dans cette nouvelle page-là à remplir pour la soirée. Puis habituellement, ça fonctionne assez bien. J'ai pas eu le syndrome de la page blanche souvent, là, je dois avouer. Mais c'est ça, de m'installer simplement cul sur chaise pour écrire, ça marche quand même assez bien en ce qui me concerne. Mais des fois, de s'obliger justement à le faire, à se dire, je m'assois puis j'écris, c'est pas mal plus facile de se dire, je vais essayer d'écrire tantôt, mais avant, je vais faire mon lavage. Puis avant, tu sais, j'imagine que le fait que tu te dises, mais gars, je m'assis, déjà, ça te met dans une position pour écrire qui est peut-être plus facile. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est que ça force la concentration. Puis t'écris avec Word ou avec un autre logiciel? J'écris avec Word mes derniers projets. J'ai écrit avec Word mes derniers projets, sauf que là, j'ai découvert avec l'auteur Dominique Bellavance, qui est aussi mon conjoint, j'ai découvert le logiciel Scrivener. Il en fait la bonne promotion, je dois dire. Puis, c'est ça, j'ai découvert ce logiciel-là, puis il permet tellement de choses différentes de Word, dont notamment de mettre tout ce qu'on a comme recherche directement dans un seul et même logiciel. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc là, j'ai d'autres projets en cours que j'utilise Scrivener, justement, pour ces projets-là. Là, je viens de retenir que tu as des projets en cours, mais avant ça, Dominique Bellavance, pour information, il avait fait une présentation à la librairie Vaugeois de ce logiciel-là. Il avait écrit justement un bout de texte devant les gens en direct, puis on pouvait voir qu'est-ce qu'il faisait, et c'est vraiment impressionnant. Moi, je connais pas ce logiciel-là, je l'ai jamais utilisé. En fait, je l'ai downloadé. Je l'ai sur mon ordinateur, mais je l'ai pas encore utilisé. C'est une autre histoire. Mais n'empêche que ça a l'air d'être tellement plein de possibilités. C'est peut-être avoir tes notes à côté. Tu n'as pas besoin d'utiliser plusieurs fichiers, finalement, pour écrire d'une façon convenable. Tout à fait. Parce que sinon, tu as des notes dans un cahier, tu as des notes dans un autre document Word, puis tu as des notes à quelque part d'autre. Parce que là, c'est tout centralisé, finalement. Oui, puis tu as des fiches de personnages, puis en ce qui me concerne, moi, la recherche, c'est une part vraiment importante de l'ouvrage. Oui. Donc, de pouvoir tout centralisé dans un seul et même logiciel, là, c'est fabuleux. Là, tes projets en cours, c'est quoi? Ben, j'ai entamé la rédaction de... J'ai quelques chapitres de fait de la suite des Kikomori, qui s'appellerait Otaku. Donc, les otaku, c'est les geeks japonais. Donc là, ce serait avec les mêmes personnages, mais Kengo prendrait davantage de place et serait le personnage principal dans Otaku. Donc peut-être que ça pourrait être une trilogie éventuellement. Je pensais peut-être que le troisième tome pourrait s'appeler Geek. Puis là, on aurait peut-être une sorte d'immersion davantage nord-américaine pour avoir un pendant de dans le fond, otaku versus geek, pour voir, c'est quoi les similitudes, c'est quoi les différences, essayer de voir un petit côté, là, recherche, qui m'intéresse énormément aussi de ce côté-là. Donc, ce serait un projet en cours. Puis le tome 2, tu le vois dans combien de temps environ? T'as-tu donné un délai où tu t'es dit « Ah, j'aimerais ça le sortir, je sais pas moi, à l'hiver 2019 » ou t'es comme « Non, j'écris, puis on verra quand il sera prêt. » Plutôt, j'écris et on verra quand, okay. Quand il sera prêt. Mais pour l'instant, j'ai 5-6 chapitres de fait. Mais c'est ça, c'est, je suis plutôt à la va comme je te pousse. Là. J'y vais. Là, dans le fond, tu t'obliges pas à écrire à tous les jours par rapport à ça. Là. C'est vraiment... Non, contrairement okay. à Hikikomori que j'ai fait dans un bon sprint là, en un an de temps, là. Là, celui-là, c'est plutôt... si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans. Puis j'y vais à chaque fois que ça me tente d'ouvrir mon fichier puis de retourner avec mes personnages que j'aime tant. OK. Puis à part ça, est-ce que tu as d'autres projets aussi qui s'en viennent? C'est ton principal projet d'écriture? C'est mon principal projet d'écriture. OK. Parce que tu es aussi poète? Oui. aussi, ben, j'ai des carnets de poésie... Plein le bureau. Mais c'est ça, j'ai écrit beaucoup de recueils. J'ai écrit des recueils d'haïkus, j'ai écrit toutes sortes de trucs, mais c'est personnel. Là. C'est pas quelque chose que j'ai publié ou que j'ai fait paraître, sauf Poème du lendemain 21. Poème du lendemain, qui est la publication des gagnants du prix Piché de poésie de 2012, auquel j'ai participé avec Marco Geffroy aussi. Marco mm-hmm. Geffroy a gagné le premier prix. Puis moi, j'ai gagné le prix de participation. Puis c'était la seule fois que j'ai participé à un prix de poésie. Puis là, j'étais très contente d'avoir le prix de participation. Puis la publication aussi aux Écrits des Forges. Ça, c'était vraiment un super honneur. Là. Puis une très belle expérience aussi. Oui, puis en fait, ça s'appelle... Les mots sont verbes. Oui. Où t'as trouvé l'inspiration pour ça? Les mots sont verbes, c'est tout mon... Ça peut faire pompeux un peu de dire ça, là, mais c'est tout mon art poétique. C'est ma vision du verbe, ma vision de la poésie que je transpose dans les mots sont verbes. Donc, que les mots... sont créateurs, les mots sont verbes, les mots sont Dieu, les mots peuvent faire énormément de choses, peuvent détruire, peuvent construire. Donc, c'est beaucoup ça que j'explore dans les mots sont verbes, dans cette suite poétique-là. Moi, j'ai commencé à lire, puis vraiment, c'est wow. Là. J'ai envie d'en lire un petit bout, puis je suis vraiment pas la personne qui lit le mieux en ville. Là. Mais juste le premier, ça me faisait quand même genre, hein, je pensais pas comme ça. C'est que je vais y aller un peu. Si j'avais des joues, je jouerais. Si j'avais des mains, je mènerais. Si j'avais un nez, je naîtrais. Si j'avais une face, j'effacerais. Si j'avais des ongles, j'onglerais. Si j'avais des yeux, je zeutrais. Si j'avais des lèvres, je lèverais. Tu sais, plus tu continues comme ça, moi, j'étais, ben voyons. Tu sais, c'est vraiment de voir le corps avec des verbes de cette façon-là. En tout cas, ça m'a comme un peu. Ça m'a surpris. Oui, c'est... ça commence quand même beaucoup. En grand, là, j'étais comme, OK, elle s'amuse vraiment avec les mots, là, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant, là. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement ludique qu'on peut aller chercher dans le langage, puis j'aime beaucoup les auteurs qui se permettent de le faire. J'ai été beaucoup influencée par Régent du Charme avec La Vallée des Avalées, puis L'Hiver de Force, où est-ce qu'ils, justement, ils se permettent d'inventer des mots ou de faire toutes sortes de choses mm-hmm. Avec la langue. Puis, dans Les mots sans verbe, c'est vraiment un hommage, je pense, au verbe, au mot. Les mots peuvent devenir un verbe, littéralement, mais aussi c'est vraiment de jouer avec, de faire ressurgir certaines réalités qu'on n'aurait pas cru présentes dans le langage. Mais ça me fait penser aussi que tu as un dictionnaire quand même sur ton blog aussi. Oui, t'as un dictionnaire que tu entretiens avec des mots dans le fond que... Soit que tu révises un peu la définition ou tu construis des nouveaux mots? Oui, ben j'adore ça, faire ça. J'aime inventer des mots. Ben, les mots valises, j'adore ça. Par exemple, on peut prendre solitude, puis en faire le mot solitudinale. Donc, solitudinale, ça peut être une solitude à plat. Donc, il y a toutes sortes de... On peut prendre différents mots, les condenser ensemble, puis créer une nouvelle réalité. Puis ça, c'est ce que j'adore les artistes qui font ça avec le langage. Donc, je me permets de le faire sur mon site web. J'ai une portion d'ICO, que ça s'appelle. Puis je me permets de créer des nouveaux mots, faire des mots valises, ou de prendre des mots existants puis y ajouter ma propre vision du monde de ces mots-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mm-hmm. Puis tu nous disais tantôt que tu avais des haïkus puis des poèmes, tu en avais plein sur ton bureau chez toi. T'as-tu l'intention un jour de les publier? Je sais pas. sérieusement, je sais pas si s'il y a vraiment une qualité littéraire dans les recueils que j'ai pu faire par le passé. Je pense qu'il faudrait vraiment que je m'assoie puis que je crée un nouveau projet pour pouvoir le publier, parce que je le vois plus comme des journaux intimes. J'ai l'impression que mes journaux intimes sont sous forme de recueil de haïkus, de recueil de poésie, plutôt que dans une prose narrative. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi un haïku, s'il te plaît? Le haïku, c'est la forme 5-7-5. Puis, c'est ça. Au niveau des syllabes, dans le fond. Oui, au niveau des... C'est trois phrases, si on veut, dans le fond. C'est trois lignes. Oui. J'essaie de vulgariser un peu pour que ça soit plus clair. Là. Mais ça, dans le fond, c'est trois lignes. C'est que tu as un 7 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes. Oui. Puis, il y a quand même une intention aussi derrière un haïku. Oui. C'est de capturer l'instant. Donc, c'est de capturer une émotion, capturer un moment, capturer un état d'âme passager, puis d'arriver à le transposer en un court poème. Mais moi, j'utilise plus la forme libre, là, c'est-à-dire que ça, c'est pas obligé de respecter le nombre de syllabes, mais ça respecte une forme très courte pour essayer de capturer l'instant. Et là, tu nous dis que tes projets littéraires, en fait, là, c'est ça, c'est la suite d'Ikikomori. T'as aussi des poèmes que tu travailles, mais vraiment plus personnels, dans le sens que c'est pas nécessairement un but de publier. Mais sinon, ta job principale, c'est d'être réviseur linguistique. Oui. On y arrive, hein? Oui, on y arrive. C'est ça, ben, mon gagne-pain, c'est de réviser les ouvrages des autres pour des éditeurs. OK. Oui. Donc, toi, dans le fond, quand que tu écris un livre... comme là, dans le fond, mettons, Ikikomori, est-ce que c'est toi-même qui as révisé ton livre ou il y a quelqu'un d'autre qui révise ton livre? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'il y a quelqu'un d'autre qui révise mon livre parce que on est tellement collé sur notre projet, on est tellement les yeux rivés trop proches de notre projet que ça prend vraiment un autre réviseur là, pour bien déceler les fautes de langage à travers l'ouvrage. Puis au niveau de la révision, qu'est-ce que c'est exactement révisé? Réviser, en fait, c'est surtout à la base, là, c'est corriger les fautes qui se trouvent dans l'ouvrage. Parfois, il y a certains éditeurs qui vont demander aussi de travailler le style. Okay. Des fois, ça arrive très peu souvent, mais parfois, ils vont demander de travailler le style pour concrètement, aider. Qu'est-ce que ça pourrait être comme changement? C'est-à-dire, si l'auteur utilise trop tel mot dans tel paragraphe, okay. Ou a un tic de langage qui est un peu trop récurrent puis qui nous fait sortir de la fiction à un moment donné. Parce que ce qu'on veut voir, c'est pas tant les mots, ce qu'on veut voir, c'est l'histoire qui est racontée, dans le cas de roman, par exemple. Mais c'est de gommer ça, puis de qu'on reste le plus possible dans la fiction qui veut être racontée par l'ouvrage qu'on entre les mains, là. J'imagine que quand ça arrive, des situations comme ça, l'auteur est d'accord pour qu'on fasse ça sur son œuvre, j'imagine. J'imagine que oui, puis je le souhaite fortement, ouais, parce que le réviseur est directement en contact avec l'éditeur, mais l'éditeur, lui, il a le rapport privilégié avec l'auteur, donc j'imagine qu'il y a une communication authentique qui se fait quelque part entre les deux pour vraiment mener à bien le projet littéraire qui est en cours. Et toi, comme auteur, en fait, quand tu as ce chapeau-là d'auteur, quand il y a quelqu'un qui passe en révision par-dessus toi, bien c'est ça, la personne elle dénature pas ton texte. Dans le sens que, tu sais, elle propose, j'imagine, des modifications, puis il faut quand même que tu sois consulté ou d'accord pour les modifications qui sont faites, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment en tant que réviseur, moi, quand j'ai le manuscrit entre les mains, qui a passé par les mains du réviseur avant, de l'éditeur, pardon, avant, ou de l'éditrice, ben moi, je considère que l'œuvre est achevée une fois que je l'ai entre les mains, puis que là, c'est de respecter le plus possible la vision du monde de l'auteur qui est là-dedans et qui passe par le style. Puis au niveau parce qu'on a appris le français d'une certaine façon, mettons, à l'école, j'imagine que dans des romans, justement, peu importe le type de livre, il doit y avoir des fois justement des mots-valises ou des façons, des tournures de phrases où est-ce qu'on s'amuse, puis ça, puis qui sont pas nécessairement cohérentes avec la langue. J'imagine que ça, tu essaies de le respecter. J'imagine que des fois, il doit y avoir des espèces des espèces de compromis à faire, ou je sais pas trop sur la langue. Oui, puis ça, puisque personnellement, j'aime énormément ça, ben moi, je vais être le genre de réviseur qui va laisser passer tous ces écarts-là par rapport à si un auteur a envie d'écrire dans son ouvrage qui parle, je sais pas moi, de la société de consommation, puis il va écrire divertissant SSANG pour parler de, je sais pas moi, de... Diverti par le sang? Divertissant, là, mais je veux dire... type calembour, quoi que ce soit, ben c'est le style de l'auteur. C'est important de le respecter à ce niveau-là. Mm-hmm. Hey, on va aller en pause. Ça passe vite, hein? On est déjà rendu à la moitié de l'émission. Ça va vite. On continue après. C'est qu'on va en courte pause et on vous revient tout de suite après. C'est KRL.